ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Mozart, l'insolence du génie. Le génie, quel qu'il soit, tombe où il peut. Il peut tomber sur une personne très intelligente, il peut tomber sur un type retardé. Or, le génie musical, c'est la même chose. Le génie de la composition, c'est la même chose. Et si je me suis attaché à Mozart, c'est que pour moi, c'est le cas même du génie à l'état pur, du génie qui ne se mélange jamais à l'intelligence du sujet en question. Pour le compositeur Pierre Petit, qu'on entend à l'émission Au fil du temps, en 1991, Mozart est l'incarnation du génie à l'état pur. C'est vrai que le nom de Mozart est celui, l'un de ceux en tout cas qui nous vient tout de suite en tête quand on évoque l'idée même de génie, mais comment définir le génie de Mozart, son génie musical, le génie de sa musique et le génie avec lequel il composait cette géniale musique? Dans le cas de Mozart, eh bien, c'est ce que nous savons tous, cette capacité, dès qu'il y a trois notes de Mozart, à toucher tout le monde. Je m'en suis aperçu à mon insu, un jour où j'étais allé à l'hôpital pour une affaire grave, concernant non pas moi, mais une de mes petites filles. On a très peur quand on entre, on se dit « qu'est-ce qu'on va me dire ?» Et puis, justement, c'était magnifique ce qu'on m'a dit, c'était pas grave, tout allait bien. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai entendu la petite musique de nuit. Mais c'est moi qui chantais. Alors, vraiment, là, j'ai compris. Moi, Albert Jacquard, je suis Mozart pendant quelques minutes. Il m'a mis en moi des choses merveilleuses qui me permettent d'évacuer une angoisse, de fêter le monde parce que le monde est beau. Mozart était un homme comme moi, comme tout le monde. Mais il se trouve que lui, sa façon de sortir de lui-même, de dire « je », a été de mettre des notes les unes au bout des autres. Et ces notes, elles savent me dire « tu ». Voilà. Sur la petite musique de nuit, vous entendiez, vous l'avez peut-être reconnu, Albert Jacquard, parler du génie de Mozart à l'émission Radio Concert, diffusée le jour du bicentenaire de la mort de Mozart le 5 décembre 1991 et animée par une certaine Françoise Davoine. Françoise Davoine, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Animatrice d'Ici Musique, nouvellement retraitée, amoureuse de musique, grande amoureuse de Mozart. On va le voir tout au cours de l'émission parce qu'on va entendre beaucoup d'extraits d'émissions que vous avez animées autour de Mozart. Cette définition d'Albert Jacquard, elle est magnifique. Comment, c'est un peu cruel ce que je vous demande, mais votre définition à vous, pour vous, Françoise Davoine, qu'est-ce qui fait le génie de Mozart? C'est difficile après Albert après Jacquard. Après Albert Jacquard, oui, très difficile. Mais je crois que c'est que Mozart, c'est un miracle. Mozart, ça ne s'explique pas. Il disait lui-même, je mets ensemble des notes qui s'aiment. Ouais. C'est assez simple, mais en fait, c'est ça. Hein. Je crois que ce génie, c'est... Évidemment, on peut parler de toutes ces facultés d'apprentissage, de cette mémoire étonnante et de tout, mais je crois que c'est la capacité, comment je dirais, exceptionnelle d'émerveillement. C'était ce côté de l'enfance qui est toujours resté chez lui, allié à cette puissance créatrice de chaque instant. Ouais. Quand même, il a vécu 35 ans, il nous laisse un catalogue incroyable. Et puis cette rapidité, le fait que tout soit là. Vous savez, il y a des gens, on se dit, mais comment ça se fait qu'ils ont tout ça dans la tête? Ouais. Et on n'a pas l'impression qu'il travaille, tout est déjà là. Ouais. Je crois que c'est ça, c'est le miracle. Et puis vous le disiez, c'est ce génie-là, d'abord et avant tout celui de la musique, donc toujours sur ce thème du génie musical de Mozart. Autre extrait d'une émission que vous animiez, Françoise Davoine, À vous dirais-je Mozart, en janvier 2006, et dans laquelle Louis Lortie parlait justement de ce génie, mais musical de Mozart. Et même ses œuvres, maintenant, après 250 ans, on peut les rafraîchir sans arrêt. Si vous allez écouter des versions, par exemple, faites récemment, des mêmes œuvres que vous allez écouter dans des versions d'il y a 30 ans, juste pour donner un exemple très facile à l'épiger sur disque, ou même si vous allez au concert et vous vous rappelez ce que les gens faisaient il y a 30, 40 ans, on se rend compte qu'il y a une évolution incroyable, que Mozart peut être remis à la mode, peut être revalorisé, entendu, revu sans arrêt, avec d'autres aspects, et que c'est une musique qui finalement rajeunit sans arrêt. On peut la... elle a d'elle-même cette éternelle jeunesse si on sait l'écouter. peut-être que c'est ça qui est merveilleux avec Mozart, on ne sent pas l'habitude chez ce compositeur-là. Et pourtant, je dirais presque en contradiction avec le matériau musical de l'époque qui est extrêmement rigide. Bon, on a toujours les mêmes formules, les mêmes gammes, les mêmes arpèges. Les règles de la tonalité étaient quand même extrêmement strictes. C'est après Beethoven que là, on s'en est permis de belle. Mais à cette époque-là, il y avait l'aristocratie qui surveillait. On avait droit à certaines choses et pas plus. Mais chez Mozart, c'est ça qui est incroyable. C'est cette liberté, cette capacité de jouer, je dirais, dans le corset, dans la camisole de force. C'est incroyable. Quelques notes de cette sonate pour violon et piano numéro 21 de Mozart. Comment décrire cette musique et sa force, Françoise d'Avoine? Je crois que Louis Lortie l'a déjà très bien dit. J'ajouterais que c'est une musique qui a toujours l'air assez simple, finalement. Oui. Hein. Il parlait de corset, mais chez Mozart, on sent une liberté, on sent des émotions qui vont nous toucher très directement, en fait, et qui vient toucher chacun de nous. C'est pour ça aussi qu'elle rajeunit sans cesse. Hein. Chacun se retrouve dans Mozart, d'où aussi le « je qui dit tu » à Albert Jacquard. On en revient toujours à ça. C'est une musique qui est à la fois savante, mais qui est aussi très populaire. C'est une musique qui est rythmée par la grâce, qui est rythmée par la tendresse. La joie est toujours n'est jamais loin, même si on est dans le drame. Et c'est une musique qui, pour moi, est profonde, comme la vie. En fait, c'est la vie. Mozart, c'est la vie. C'est la vie qui pétille. C'est une musique qui est généreuse. C'est une musique qui est toujours parfaitement équilibrée. Alors, je crois que c'est pour ça qu'elle est universelle. Et qui doit être bien exécutée, vous disiez, il y a une simplicité apparente, mais en même temps, c'est une musique qui reste dans son exécution complexe. J'entendais, en préparant cette émission, Yannick Nézet-Séguin dire, justement, ça a l'air tout simple, c'est pour ça qu'on aime ça, très jeune, on se met à Mozart, mais aussitôt qu'il y a une petite poussière, on la voit. Oui, donc, c'est ça aussi. Très difficile, oui. Revenons peut-être au début, aux origines, pour refaire un peu le parcours de ce génie. Le génie de Mozart, son génie musical apparaît très vite. Oui. Alors quand vous, à 6 ans, je ne sais pas ce que vous faisiez, sans doute vous appreniez à lire, vous faisiez des batailles de boules de neige, ben lui, il composait déjà. En fait, il a composé quasiment avant de parler, avant de savoir même écrire. Et très, très jeune, il se promenait de capitale en capitale. Il jouait pour toutes les couronnes, toutes les têtes couronnées. Il était couvert de cadeaux, de bonbons, de ci, de toutes sortes de choses, de nouveaux vêtements. Voilà. Ouais. Donc, c'était un être très unique. C'était un enfant tout à fait à part. Son père s'en était rendu compte. Son père, qui était un immense pédagogue de l'époque, a écrit des traités. Il a tout de suite vu le parti qu'il pouvait tirer de Mozart et de Wolfgang, donc, et de sa sœur Nannerl aussi, qui était une très bonne musicienne. Alors, il s'est mis à leur faire des tournées invraisemblables. Écoutez, sa première tournée, il a quitté Salzbourg. Il avait 7 ans. Il est revenu. Il avait presque 10 ans. Incroyable. Vous vous rendez compte, pour un enfant? Ouais. Et il travaillait tout le temps. Ouais. Son père tenait à faire de lui un être très éduqué. Puis c'était un gamin un peu fantasque, qui était un peu dispersé. Mmh. Alors son père a tout fait pour lui donner une éducation extraordinaire. On reproche souvent à son père d'avoir vu en lui le petit singe savant. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Son père a vraiment tout fait pour qu'il ait une magnifique éducation. Et Mozart est devenu un jeune homme, un vrai citoyen européen. Parce qu'il a parcouru tous les pays, il a appris toutes les langues, il a fait des mathématiques, il a composé tout le temps. Il travaillait tout le temps. La formule, elle est gagnante. Un génie, une éducation sans faille et un gros bosseur, ça donne ce que ça va donner. Vous parliez de ses talents de compositeur très tôt. À 6 ans, il compose déjà. Dès l'âge de 8 ans, Mozart a déjà composé une cinquantaine d'œuvres. C'est un maître, donc un génie de la composition. À nouveau, le compositeur Pierre Petit, qu'on entendait au tout début de l'émission, à l'émission Au fil du temps, 1991, il nous raconte une anecdote, en fait, qui montre ce génie de la composition de Mozart. Ça touche les circonstances qui entourent la création de la symphonie numéro 36 de Mozart. Ça veut dire que Mozart, quand il compose pas comme nous, comme les autres, comme tous ses collègues. Il arrive à Linz, et les dates comptent, le 30 octobre 1783. Il vient de Salzbourg, il va à Vienne avec sa femme. Il arrive à Linz, il va à l'auberge. Et là, le comte lui dit, écoutez, monsieur Mozart, je suis très heureux de vous voir ici. Je suis d'autant plus heureux que j'ai un concert le 4 novembre prochain dans mon palais avec mon orchestre. Et je serai très heureux que vous ayez une symphonie dans vos bagages. Ça veut dire qu'il aurait fallu que Mozart se prenne non seulement avec la symphonie, le manuscrit, mais tout le matériel d'orchestre pour les musiciens. Mozart n'a pas de symphonie, le dit au comte, et devant la tête affreusement triste du comte, il a pitié de lui, il lui dit « Mais qu'à cela ne tienne, monsieur le comte, votre symphonie, vous l'aurez. » Il a pris son papier à 14 portées, il a commencé par les premiers violons en haut, à la mode de l'époque, puis les bois, puis tout le monde, jusqu'à la contrebasse en bas, et tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, il écrivait au fur et à mesure que ça sortait, sans réfléchir. En plus, il avait à ses pieds trois copistes qui lui enlevaient les feuilles au fur et à mesure, ce qui fait qu'il n'avait plus aucune référence avec ce qu'il venait de composer auparavant. Mais c'est complètement dingue. C'est-à-dire qu'en 4 jours au maximum, Mozart a composé une symphonie qui comporte plus de 200 feuilles d'orchestre. Comment expliquer ça? On ne peut pas l'expliquer. Mozart, on l'entend dans cet extrait, Françoise Davoine, c'est vraiment aussi ce génie de la composition. Bien avant d'ailleurs cet épisode de la composition de la symphonie numéro 36, le disait très très jeune, à l'âge de 8 ans, déjà oui. 50 œuvres. Son premier opéra, on a reçu la commande, il avait 11 ans. Sa première distinction de compositeur, il l'a reçue à 13 ans. Alors, pour revenir à ce que disait Pierre Petit, il y a un exemple très intéressant aussi. Il a 14 ans, il est à Rome avec son père et il entend une œuvre à la chapelle Sixtine qui est interdite de sortie. On ne l'entend que là, on n'a pas le droit de la jouer sous peine d'excommunication, imaginez-vous. Mozart est là, il entend l'œuvre, il rentre à l'hôtel, il écrit l'œuvre. Hein, c'est incroyable. Un motet double cœur, 9 parties, enfin, je ne sais plus. Et c'est incroyable. Il retourne 2 jours plus tard juste pour réentendre un petit peu et il écrit tout. Et ça a d'ailleurs fait des histoires. Et bien, ça a été publié plus tard à Londres. Alors, c'est comme ça tout le temps. Don Giovanni, une œuvre tardive, il a tout écrit sauf l'ouverture. La nuit avant, tout d'un coup, il se met à écrire ça l'ouverture. Coule. Tout est dans sa oui, tête. Si vous allez à Vienne, au musée de la musique, d'ailleurs, vous pouvez. Il y a une installation. Il y a Mozart, la main de Mozart qui copie l'œuvre. Puis vous êtes invité à faire la même chose à côté. C'est invraisemblable le rythme auquel il écrivait. La musique est toute là. La musique est toute là à la perfection dans sa tête. Avec tous les instruments. Alors, il ne se met pas au piano pour chercher des thèmes, puis après, il orchestre. Non, c'est tout là. Et il entend, il chante, c'est du chant, c'est de la voix, la musique de Mozart, c'est de l'opéra. Tout est opéra chez Mozart. Il est là partout, partout, partout, partout. Donc, ce jeune Mozart qui fait le tour de l'Europe, on le voyait il y a un instant, 3 ans, cette première tournée européenne. Sa vie se poursuit, elle va être très courte, sa vie, il va vivre 35 ans. Il rentre à Salzbourg en 1773, il a alors 17 ans. Et puis là, il y a comme une... En 1773 et 1781, il entre dans ce qu'on pourrait appeler le cycle Salzbourg. Il s'ennuie. Oui, il s'ennuie. Comment résumer beaucoup. Cette période-là? Il s'ennuie, il est au service d'un archevêque, Colloredo, qui n'est pas gentil du tout avec lui. Et il compose énormément, il travaille toujours beaucoup, mais il n'en peut plus. En fait, il essaye toujours d'avoir des congés, puisqu'il est au service de cet archevêque, mais il veut toujours repartir, parce qu'il a fait trois voyages en Italie, il est allé à Londres, il est allé aux Pays-Bas, en France. Alors, il se sent très coincé, il trouve que c'est très petit. En fait, il s'en va de temps en temps. Il peut aller dans certaines villes où les orchestres sont tous des amis musiciens. Alors, il va à Mannheim, par exemple. Il découvre là la clarinette qu'il adore. Il va écrire après pour clarinette. Enfin, vraiment, il est de plus en plus coincé et il veut s'en aller. Ouais. Voilà. Et il va partir. À 25 ans, il s'installe à Vienne. C'est là qu'il va passer le reste de sa courte vie. Dans quelles circonstances ça se passe, cette installation à Vienne? Il est justement parti avec l'archevêque Colloredo. Et arrivé à Vienne, lui, il s'est dit « c'est super, je vais pouvoir jouer, donner des concerts et tout ça. » Puis l'archevêque a été très, très sévère avec lui. Il dit « Non, vous avez votre charge, vous restez avec moi, vous écrivez pour moi, pour mes événements. » Alors là, il a claqué la porte. Enfin, je ne sais pas s'il a vraiment claqué une porte, mais c'est comme ça que je le résume. Et il a décidé qu'il s'installait à Vienne, au grand dam de son père d'ailleurs, qui était très, très proche de cet archevêque Colloredo. Et en fait, il est devenu le premier compositeur qui devait assumer sa liberté, de ne plus être au service d'un prince ou d'un archevêque. Ça voulait dire pigiste de l'histoire. Oui. Ouais. Il fallait qu'il organise ses concerts, il fallait qu'il compose. Alors, il écrivait pour toutes sortes de gens. Il n'arrêtait pas de composer. Il travaillait tout le temps. Il organisait des concerts. Il avait un peu la vie de bien des musiciens que je connais aujourd'hui. Hein. Il fallait trouver de l'argent, ouais. Il fallait payer le loyer, il fallait... Alors, il écrivait, il jouait et il organisait des concerts. Et il attend cette première commande sérieuse et elle va venir, ce sera... Oui, ce sera pas facile, ouais. Parce qu'en fait, c'est pas si évident de faire sa place à Vienne, même quand on s'appelle Mozart et même quand c'est miraculeux. On reconnaît son génie, lui-même d'ailleurs aussi, il faut le dire, connaît bien sa valeur, mais ça ne se traduit pas toujours hein, en commande ouais. Et en argent sonnant. Il y aura cette commande oui. D'un opéra, l'enlèvement au sérail, l'empereur lui commande cet opéra-là. Ça, c'est un peu le, comment dire, tout à coup, ça a basculé. Ça a basculé. Parce que l'empereur voulait qu'on chante en allemand, qu'on s'adresse au public en allemand. Alors, il a écrit cette œuvre, donc avec beaucoup de dialogues d'ailleurs. Et c'est vraiment ce qui lui a permis de s'établir comme compositeur ouais. Freelance, comme on dit, ouais. À Vienne, oui. Parlons de quelques rencontres importantes dans sa vie. D'abord, sa femme, Constance oui. Weber, qu'il marie en 1782. Il a alors 26 ans. Quel genre de vie ils auront ensemble? Ben, ils s'aiment beaucoup. Il y a beaucoup ouais. De lettres qui en témoignent. Ils vont avoir 6 enfants. Il y en a 2 qui vont atteindre l'âge adulte. Et il va toujours être avec elle. Il va toujours falloir qu'il travaille de plus en plus quoi, pour faire vivre ouais. Cette nombreuse famille. Pour vraiment, je pense que c'est Albert Jacquard qui disait c'est un homme comme vous et moi. Quoi. Ouais. C'est, ouais. Il avait la vie d'un homme normal. Voilà. 1784, rencontre avec Haydn, ce sera important ah, oui. Pour lui. Pourquoi? Ça, Haydn, bah parce que Haydn, c'est un compositeur immense que toute l'Europe chérit. Et Haydn va voir en Mozart le génie qu'il est. Et il va y avoir un respect immense entre les deux compositeurs. Et dans les quatuors à cordes, par exemple, un genre que Haydn a cultivé beaucoup, ouais. Mozart va répondre aux quatuors à cordes de Haydn. Alors, dans le répertoire musical, ça donne des œuvres extraordinaires, ouais. En fait. Hein. Un petit mot sur Salieri, Françoise Davoine, parce que je suis certain que beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent ont vu ce film Amadeus. Ça a marqué les esprits, film dans lequel on présente ces deux hommes, Mozart et Salieri, comme de grands rivaux. Qu'en est-il dans la vie? Dans la vraie vie, ils étaient certainement de grands rivaux, mais c'était aussi des compositeurs. Il faut comprendre une chose, c'est que Salieri était très bien établi à Vienne et à la cour quand Mozart est arrivé. Et puis Salieri, ses opéras, il en a écrit énormément, plus de 40. Ils étaient célèbres dans toute l'Europe. Alors, il n'avait pas vraiment de quoi envier Mozart. Hein. Et en fait, il a plutôt encouragé Mozart. Et après la mort de Mozart, il y a même un des fils de Mozart qui a étudié avec Salieri. Oui, oui. Donc, ça veut dire que Constance ne détestait pas Salieri, contrairement à ce qu'on a souvent laissé passer. Alors, c'est évident que Salieri n'a pas empoisonné Mozart. Ouais. Il y avait un grand respect, je dirais, d'un compositeur à l'autre, doublé d'une rivalité qui est normale quand on est dans ce milieu-là, ouais. Qui était quand même hein, assez ouais. Fermé. Les dernières années de sa vie vont être, sur le plan de la composition, vraiment très, très riches. Plusieurs grands chefs-d'œuvre vont être écrits par Mozart dans cette dernière période de sa vie. Parmi ses chefs-d'œuvre, son fameux Don Giovanni qu'il compose en 1787. Vous estimez, Françoise Davoine, que ce qu'on entend, cet opéra Don Giovanni, c'est le chef-d'œuvre absolu de Mozart. Pourquoi? Ah, c'est difficile, hein, dans la production d'un génie, de trouver un chef-d'œuvre absolu. Mais s'il y en a un, pour moi, c'est celui-là, parce que c'est vraiment un concentré de l'être humain, cet opéra, de toutes ses pulsions, des plus sombres aux plus lumineuses. Et on a tout ça dans l'ouverture, cette ouverture dont je vous disais qu'il l'a écrite en une nuit. Oui. Là, dès le début, on est saisi et ça ne lâche pas. Une grande force de Mozart dans ses opéras les plus célèbres, les Nozze, Don Giovanni, Così, c'est de prendre l'être humain et de le décortiquer de façon absolument éblouissante. Je pense que les Noces, c'est quand même une journée folle, les noces de Figaro, mais c'est tout un portrait de société qu'il nous livre musicalement. Ouais. La même chose dans Cozy, ses relations amoureuses, la fidélité des femmes, enfin, tout ça, c'est hallucinant avec ces notes qui s'aiment, comme ouais. il disait, de réussir à faire des œuvres d'une telle envergure. Hein. Vous me parlez beaucoup d'opéra, ses plus grandes œuvres pour vous, c'est parce qu'il fait de tout, Mozart, c'est l'opéra? Non, je dirais Mozart, c'est l'opéra. Ouais. Point. Toutes ses œuvres sont opéra. Ses sonates, ses concertos pour ouais. piano. Écoutez les mouvements lents de ses concertos pour piano, c'est des airs d'opéra. Ouais. Mozart, il est opéra. Mais ce qui fait son génie, qui ajoute à la dimension de son génie, c'est en effet qu'il a composé dans tous les genres. Ouais. Que ce soit la musique sacrée, la musique d'opéra, les symphonies, les concertos, les quatuors, tout. C'est quand même assez unique hein, dans l'histoire de la musique. En 35 ans, d'avoir écrit autant d'œuvres, ouais. c'est hallucinant. Il meurt très jeune, à 35 ans. Dans quelles circonstances? De quoi meurt-il, Mozart? Mozart, en fait, il y a eu beaucoup d'hypothèses sur sa mort. On pense qu'il est mort finalement d'une fièvre, une sorte de fièvre rhumatismale. Il est très fatigué. Écoutez, c'est un homme qui a travaillé très fort, ouais. tout le temps, qui a couru après son temps, qui a écrit énormément d'œuvres pour tout le monde, très vite, et qui n'a pas eu la vie... Qui a toujours eu une vie joyeuse, je dirais, mais aussi pas toujours facile. Hein. Ouais. Alors, c'était un bon vivant, il a fait beaucoup de choses, mais il s'était épuisé au travail, certainement. Revenons sur, pour terminer cette émission, sur cet aspect génial, le génie de Mozart. Vous le situez où? Parmi les grands génies de l'histoire, pas simplement en musique, mais quelle place il occupe, Mozart, pour vous, Françoise Davoine, aux côtés, par exemple, je ne sais pas moi, d'un Einstein, d'un Vinci? C'est la question des hautes sphères. Ouais. Ben, je dirais que je pense que, comme ces grands génies, il a une dimension universelle. Il a une dimension universelle et je pense surtout que toute sa musique est un acte d'amour et que ça touche le cœur de toute l'humanité. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il est à ce niveau-là. Amour, donc, amour. Amour, amour, amour, il le disait d'ailleurs. Ouais. Hein. Françoise Davoine, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Françoise Davoine, amie de l'émission, animatrice à la retraite d'ICI Musique, grande amoureuse, vous l'aurez compris, de Mozart également. Merci à Mathieu Beauchamp, la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Sylvain Labrec. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.